J'aperçois des enfants qui jouent aux amoureux, torse nu au soleil. Yvan le jardinier, sa rose d'eau glacée tout en fait. Dans une heure, il est là. Je te vois arriver dans ta chemise à fleurs. Partager mon soleil et me prendre.